Section 71 de la lecture, tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 3e. Section 71. Un vieux, par Pierre Loti. Chapitre 14. Le lendemain matin, la mère Legal, en arrivant, le vit dans cet état. « ma douée Jésus, mon vieux qui est crevé. » Il fut emporté par des matelots. Ça avait été son vœu, comme celui de presque tous les vieux marins. À cause de sa croix, il y eut un piquet d'hommes en armes. Ce fut propre et honorable. Dans la suite, on vit longtemps, à la devanture d'une fripière, dans le bas quartier de Brest, le paletot en nankin, l'éventail de palmiers et le portrait de la petite communiante dans son cadre de coquillage. Fin de la section 71, lue par Margot.